Sous le soleil rasant, lumière ocre apaisante. La chaîne crache du sang sur des rythmiques pesantes. Pas rôle entre les mains, attentif et taciturne. Déchiffrant chaque rime, arrachant des lassitudes. J'étais adolescent et en quête d'attitude, cherchant à donner sens à toutes ces platitudes. Les fleurs de la connaissance donnèrent de l'altitude à cet être arborescent, arrosé par la ciguë. Avec le calme comme essence, cette lecture assidue, j'ai trouvé reconnaissance et rend ma gratitude à tous ces éclaireurs qui m'ont aiguillé. Ceux qui m'ont égayé, la petite écuyer ne galope plus sous tutelle, empli de vanité, ni ne crie à tue-tête face à l'inanité. Heureux et détaché, moins sombre et apeuré, ses espoirs comme ses craintes se sont évaporés. Baladeur dans la poche, découverte des classiques, les disques des grands frères copiés sur bande magnétique. Les albums tournent en boucle, même si je les connais déjà par cœur. On les récite avec les potes pendant la pause à 4h. Des frissons d'émotion intacts au fil des écoutes. La poésie engagée, amère et pleine de doutes, a grandement participé à forger ma vision des choses, des principes, des messages. Pas de morale à l'autre rose, privilégiant pendant longtemps le rap à texte en français. C'est au lycée que j'ai pris des claques avec du pur son new-yorkais. Du flow, du charisme et des beats apocalyptiques. Des MC qui prennent notre trip même si leurs mots ne sont pas d'ici. L'héritage est colossal, le perpétuer semble essentiel. Toute une culture à conserver dans un coin de cervelle. J'espère qu'elle a devant elle plusieurs années avant qu'elle meure. Que je puisse y puiser plaisir, tenter de lui faire honneur.